Bien, c'est une joie, vraiment une joie et un privilège d'être avec vous ce matin. C'est toujours le fun de rencontrer des frères et sœurs. On est une grande famille, hein? Toujours le fun de rencontrer des frères et sœurs. Je connaissais quand même quelques-uns. Je vois Jeannot et Jacinthe. On s'est connus au camp Jolibé. Content de vous voir. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait demandé ce que je trouvais le plus difficile dans mon ministère. J'avais commencé depuis peut-être deux ou trois ans, un an et demi, deux ans peut-être, l'œuvre à temps plein. Et puis, à un moment donné, j'étais au restaurant avec quelques frères. Et puis, l'un d'entre eux me demande, « Tony, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? » Cette question-là est pourtant simple, mais elle m'a rentré dedans. Me rentrer dedans parce que je n'étais pas capable de répondre. Cette question-là m'est restée à l'esprit pendant des jours et voire même quelques semaines, et elle me troublait. Elle me troublait, et là j'ai compris à ce moment-là que c'était le Seigneur qui me parlait. Merci mon frère. Moi, je vais essayer, je suis gaffeux un peu, je vais essayer de ne pas renverser, mais ça devrait être bon. C'est bon, merci. T'as-tu amené des petites pelules, non? Donc, ce frère me demande qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans mon ministère et je suis incapable de répondre parce que il y a comme 1000 réponses différentes que je pourrais donner. Et là, ça me trouble. Alors, je reviens chez moi et pendant quelques temps, cette question me revient à l'esprit constamment. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans... Et j'en suis carrément troublé parce que j'ai réalisé que ce que je trouvais le plus difficile dans mon ministère, c'était tout. Absolument tout. Tout était rendu difficile et un fardeau très lourd à porter. J'aime beaucoup ce que je fais et je me sens privilégié d'être pasteur, d'être employé pour le Seigneur à temps plein, mais la charge pastorale avec tout ce qu'elle implique, c'est quelque chose qui peut devenir très lourd à porter à la longue. Et si on perd de vue nos vraies priorités, c'est encore pire. Et c'est ce qui m'était arrivé. J'avais perdu de vue quelles devaient être mes vraies priorités. Et ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Répondez pas, mais laissez-moi vous poser la question. Quelles sont vos vraies priorités dans la vie? Pour bien répondre à cette question-là, on doit d'abord s'interroger. On doit premièrement se questionner sur nos vies. J'aimerais vous demander, avez-vous l'impression que votre vie ne va pas comme elle devrait? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sans savoir qu'est-ce que c'est exactement, sans être capable de mettre le doigt dessus? Est-ce que vous ressentez des mauvais sentiments qui vous grugent en dedans? Et vous savez, ces mauvais sentiments-là, on a l'impression qu'ils sont là pour rester. Envers vous, des mauvais sentiments envers vous-même, envers votre église locale, envers les autres, envers un frère, une sœur. Vous savez, ce genre de sentiments qui nous grugent par en dedans et qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Est-ce que vous êtes constamment insatisfait de votre vie chrétienne? En ce qui me concerne, je pouvais répondre oui à ces quatre questions-là. Et si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions-là, ou même à plusieurs, je vous invite ce matin à faire comme moi et à reconsidérer quelles sont vos vraies priorités. Quand ce frère m'avait posé la question, « Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? » Ça faisait déjà plusieurs mois que je me sentais fatigué. J'avais perdu la motivation et le zèle qui m'habitait auparavant. Et ça, en soi, c'était pesant à porter. Mais je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, mais ça me l'a fait réaliser. Pardon. Et là, je me suis rendu compte que, depuis un certain temps, j'étais rendu irritable. Ma femme aussi s'en était rendue compte, d'ailleurs. J'étais rendu irritable, impatient, critiqueux, mécontent, et souvent même découragé. Découragé de tout, découragé de moi, insatisfait. Et je vivais comme une espèce de sentiment d'échec face à peu près tout dans ma vie personnelle et dans mon ministère. J'ai aucune fierté à vous dire ça ce matin, mais c'était l'état de mon cœur à ce moment-là. Et c'est précisément ce que le Seigneur voulait me montrer. Tournez avec moi dans Matthieu, au chapitre 11. Un verset bien connu, mais qui a pris à un moment donné pour moi une tournure bien spéciale. Donc, en Matthieu, au chapitre 11, dans les versets 28 à 30, on peut lire ceci. Le Seigneur nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce que je vivais me grugeait beaucoup en dedans, alors j'ai voulu faire ce qui est écrit là, donner mon fardeau au Seigneur. Vous savez, des fois, hein? Ah, ben Seigneur, OK, je te le donne, on passe à autre chose. Mais ce n'est pas de même que ça marche tout le temps. J'ai essayé de donner mon fardeau au Seigneur de toutes les façons possibles, mais ça ne fonctionnait pas. Et savez-vous quoi? Je rends gloire à Dieu pour ça. Vraiment. Mais je ne dis pas ça de façon sarcastique. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur de ne pas m'avoir enlevé à ce moment-là le fardeau qui pesait sur mes épaules. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter une histoire pour vous exprimer pourquoi je dis ça. C'est l'histoire d'un jeune homme qui prêchait pour la première fois. Confiant et sûr de lui-même, il a commencé à parler, mais plus ça allait, plus ses idées se mêlaient. Il s'est mis à bafouiller, à se chercher dans des notes, dans ses notes et à dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Étant de plus en plus nerveux, il n'a pas été capable de bien prêcher le message qu'il avait préparé. Alors, sa première expérience de prédication a été un échec total et il s'en sentait humilié. Suite à ça, il est allé voir son pasteur, qui était son coach, et il voulait se faire encourager, réconforter, n'est-ce pas? Mais son coach lui a dit, « Savoure amèrement ta défaite. Vis-la pleinement. Repasse-la dans ta tête et pense-y jour et nuit. » Mais ouais, fais-moi pas ça. Le jeune homme était déconcerté d'entendre ça parce que il avait l'impression de se faire écraser au lieu de se faire encourager. Ce n'est pas à ça qu'il s'attendait, là. Mais son mentor lui a ensuite expliqué que pour être plus fort, il devait apprendre de son erreur. Donc, plus sa défaite lui serait amère, plus il prendrait les moyens qui s'imposent pour ne plus que ça arrive. Et c'est dans ce sens-là que son coach lui avait dit cela. Pardon. Il devait apprendre, le jeune homme, à se préparer davantage, à prier plus, à rester plus humble et à dépendre du Seigneur beaucoup plus que de lui-même. Et moi, j'ai tiré une leçon de cette histoire-là. J'ai réalisé que si le Seigneur m'avait tout de suite enlevé mon fardeau, ben, il y a certaines choses que je n'aurais pas apprises, des choses importantes. Et tôt ou tard, ce serait revenu parce que je ne serais pas allé au fond des choses. Vous savez, comme une infection, par exemple, qu'on soigne mal. On peut mettre un plâtre sur un bobo, mais si on ne désinfecte pas, on ne fait pas ce qu'il faut en dessous, ça va revenir. Ça risque même d'être pire. Alors, j'ai réalisé que le Seigneur avait quelque chose à me montrer avant de m'enlever mon fardeau. Et c'est pour ça que je dis merci, Seigneur. Alors, si cette promesse-là de Matthieu 11, ici, qu'on a lu, a pris du temps à s'accomplir dans ma vie, ce n'est pas parce que le Seigneur n'est pas fiable. Au contraire, c'est parce qu'il fait tout à merveille. Ecclésiaste 3:11 nous dit, « Il fait toutes choses belles en son temps. » N'est-ce pas? Le Seigneur voulait m'apprendre des choses avant de m'enlever mon fardeau, et c'est pour ça que je lui dis merci. Donc, la question qui m'avait été posée, « Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? » Ça a été pour moi le point de départ d'une réflexion par laquelle le Seigneur voulait me montrer que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Je m'en étais rendu compte, mais là, le Seigneur voulait me le montrer bien comme il faut. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne vit pas ce genre de choses, qu'on ne vit pas un éloignement du Seigneur, qu'on ne vit pas des tribulations, au contraire. En poussant ma réflexion plus loin, j'ai dû admettre que je m'étais éloigné du Seigneur et que mes priorités avaient changé. Et ça, ça m'a fait mal. Tout était devenu difficile parce que je ne combattais plus le bon combat, et non seulement je ne combattais plus le bon combat, mais je combattais avec mes propres forces. Alors je me suis épuisé. Je me suis vidé carrément. Laissez-moi vous poser cette question à nouveau. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre vie? Ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie chrétienne. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je crois qu'on doit réviser quelles sont nos vraies priorités. Dans la parole de Dieu, dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 16, on peut lire ceci. « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Qu'est-ce que tout ça implique? Le texte nous dit, tout a été créé. Donc, tout, c'est tout. Absolument tout. Y compris nous-mêmes. Par lui, par Jésus. Donc, Jésus, c'est notre créateur. Et pour lui. Donc, on a été créé en fonction de sa volonté. En fonction de ses plans à lui. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut réaliser. Et c'est ça qui devrait être les vraies priorités dans notre vie. Vivre en fonction de Dieu, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Vous savez, un programmeur informatique, il peut faire un algorithme, créer un logiciel, et quand il va le lancer, qu'il va le mettre en fonction, ben, le logiciel doit faire ce pour quoi il a été créé, sinon ça ne marche pas. On peut appliquer ça à n'importe quoi, mais dans nos vies, c'est comme ça aussi. On a été créé par et pour Dieu. Alors, on doit vivre en fonction de lui. Ça, c'est son plan initial. C'est sûr que cette idée-là ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et là, quand je dis de tout le monde, je parle autant des chrétiens que des non-chrétiens. Parce que les gens veulent vivre leur vie comme ils l'entendent. Et souvent, l'idée de dire « je veux vivre ma vie pour Dieu en fonction de Dieu », ça nous brime. On ne veut pas ça. Alors, ça nous dérange parce que ça nous empêche de vivre notre vie comme on l'entend. Et souvent, mais on voit Dieu comme une entrave. À cause de ça. Il y a quelques années, la fille de Billy Graham, Anne, donnait une entrevue à la télévision américaine. Et en rapport avec les événements du 11 septembre 2001, l'animatrice lui a demandé « Comment Dieu a-t-il pu laisser quelque chose de ce genre arriver? » Anne Graham lui a répondu « Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ceci, tout comme nous. Mais ça fait des années que nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement et de sortir de nos vies. Comment pouvons-nous espérer sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser tranquille? » Galates 6, 7 nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Alors, c'est facile de blâmer Dieu pour tous les malheurs du monde, mais est-ce qu'on réalise que... Si on suivait le plan de Dieu, qui est d'avoir des relations sexuelles saines et fidèles à l'intérieur du mariage seulement, qu'en l'espace de une ou deux générations seulement, toutes les maladies transmissibles sexuellement disparaîtraient de la face du monde? Est-ce qu'on réalise que si plus de gens obéissaient à Romains 13, 13, qui nous dit de marcher honnêtement et loin de l'ivrognerie, d'un, on n'aurait plus besoin de barrer nos portes de peur de se faire voler. Puis de deux, il y aurait beaucoup moins de problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie. Si les gouvernements suivaient l'exemple de Jésus, qui a été le serviteur parfait, en désirant servir les autres plutôt que d'être servi par les autres, la dictature et l'oppression cesseraient dans beaucoup de pays du monde. Si nous, les hommes, nous aimions nos épouses, comme Christ a aimé l'Église, il y aurait beaucoup moins de divorces et de familles éclatées. Mais vous savez quoi? Ces choses-là ne cesseront pas parce que le monde ne veut pas que Dieu se mêle de ses affaires. Mais moi, est-ce que je laisse Dieu se mêler de mes affaires? Vous savez, même si on est chrétien, on peut avoir tendance à avoir ce réflexe-là. Quelle place est-ce qu'on laisse véritablement à Dieu et à sa parole dans nos vies? Jésus veut qu'on ait une vie chrétienne victorieuse. Et quand je dis victorieuse, ça veut dire une vie chrétienne joyeuse, épanouie, de trouver sa joie dans le Seigneur. Est-ce que votre vie chrétienne, elle est victorieuse ou est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond? Vous savez, des fois, on tourne en rond, là, mais on tourne en rond tellement vite qu'on a l'impression d'avancer. Mais on fait quand même du surplace. On tourne en rond. Et on ne s'en rend pas tout le temps compte. Et si on ne trouve pas de plaisir en Dieu, est-ce que vous trouvez du plaisir dans Dieu, dans sa parole, dans la lecture, dans la prière, dans la communion fraternelle? Vous savez, si on ne trouve pas de plaisir en Dieu, si on ne veut pas que Dieu se mêle de nos affaires parce qu'on veut vivre notre vie comme bon nous semble, si on ne respecte pas les autorités mises en place par Dieu, que ce soit au niveau du gouvernement, dans nos écoles, au travail ou dans l'église locale, si on ne respecte pas les autorités mises en place par Dieu, si on en veut à Dieu aussi pour tous nos malheurs, ah, c'est la faute de Dieu, c'est la faute du Seigneur. Est-ce que vous êtes déçu parfois que Dieu ne vous donne pas ce que vous lui demandez ou ce que vous attendez de lui? Si on aspire à un évangile de prospérité en prenant Dieu pour une machine distributrice, en espérant qu'il va combler tous nos désirs égoïstes. Si on a l'impression d'être quelqu'un de simplement religieux, voire hypocrite. Si on vit ces choses-là, c'est parce qu'on n'a pas une vie chrétienne victorieuse. On a une vie chrétienne peut-être, mais superficielle, pas victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse n'est pas exempte de difficultés, vous savez. Les difficultés, ça fait partie de la vie et de la vie chrétienne. Mais on ne doit pas laisser les difficultés s'enraciner dans nos vies pour nous pourrir la vie. Ça va faire une différence. Donc, si vous vous sentez interpellé, est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous voulez que ça change? Moi, j'en avais assez, puis je voulais que ça change. Voulez-vous continuer à tourner en rond ou réellement avancer? Si vous voulez pas que ça change, c'est pas compliqué, faites rien. Continuez comme ça, ça ne changera pas. Mais si vous voulez une vie chrétienne victorieuse, c'est-à-dire qui grandit, qui s'épanouit, qui grandit dans la connaissance de Jésus-Christ, quelque chose de joyeux, bien, vous allez devoir réviser quelles sont vos vraies priorités. Et là, je dis vous, mais tout ça, tout ce que je vous partage, c'est mon vécu, c'est ma réflexion, donc je m'inclus là-dedans. Même si je dis vous, soyez certains que j'en suis le premier concerné. Donc, pour réviser, donc premièrement, pour avoir une vie chrétienne bien épanouie, on doit réviser nos vraies priorités, on doit se questionner, mais on doit aussi faire un temps d'arrêt. Je n'ai pas toujours été pasteur, vous savez, j'ai déjà travaillé avant ça. Dans une usine, je travaillais pour Alcan à Shawinigan. Et à un moment donné, la compagnie nous avait donné une petite formation qui s'appelait le temps d'arrêt. Le temps d'arrêt était pour nous sensibiliser aux dangers inhérents de notre travail. Vous savez, dans l'usine, il y avait beaucoup de dangers liés à la haute tension, à la machinerie, à la chaleur, aux contraintes thermiques et beaucoup d'autres choses. Alors, pour nous sensibiliser à ne pas prendre de risques inutiles qui auraient pu entraîner des blessures graves, voire même la mort, la compagnie avait établi la politique du temps d'arrêt. C'est-à-dire que devant un danger, j'étais dans une machinerie ou à pied où je faisais quelque chose, puis il y a une situation qui se présente qui n'est pas normale, qui me semble un peu problématique. Alors, il disait, arrêtez-vous, faites un temps d'arrêt, puis évaluez. Prenez quelques secondes pour évaluer la situation, avant, pour ne pas continuer et risquer de vous blesser inutilement. Et je crois qu'on peut appliquer ce même principe-là à nos vies spirituelles. On doit à l'occasion faire un temps d'arrêt pour évaluer notre condition spirituelle et détecter les dangers ou les obstacles potentiels qui vont nous empêcher de grandir ou d'avancer. Faisons un temps d'arrêt maintenant pour évaluer quels sont nos vraies priorités. C'est quoi mon but? Est-ce que je veux être un chrétien du dimanche? Vous savez, je viens à l'église le dimanche, et puis quand j'ai du bon temps, j'ai un bon temps dans la parole, un bon temps en louange, dans la prière avec les frères ou tout ça, mais j'arrive chez nous, je mets ma Bible à quelque part, sur une étagère, sur un bureau, et puis je la reprends le dimanche suivant, puis ça, c'est d'être un chrétien du dimanche. Est-ce que je veux être un chrétien du dimanche ou est-ce que je veux avoir une vie chrétienne victorieuse? Parce que ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Si je veux avoir une vie chrétienne victorieuse, je vais devoir déterminer quelles sont mes vraies priorités, mais aussi me donner les moyens pour y arriver. Dans le psaume 1, il y a quelque chose d'intéressant d'écrit ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est un chrétien victorieux. Dieu le déclare heureux. Voyez-vous le premier mot? Heureux l'homme qui fait ces choses. C'est Dieu qui déclare cet homme-là ou cette femme-là heureux. Dieu le déclare heureux parce qu'il sait dire non au péché, parce qu'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et parce qu'il porte des fruits dans le Seigneur. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, tant mieux. Et merci Seigneur. Parce que je ne veux pas être défaitiste, là. Peut-être que vous allez bien, c'est correct. Merci Seigneur pour ça. Mais soyez vigilants que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Remerciez le Seigneur que ça va bien. Prenez-en conscience, puis faites ce qu'il faut pour continuer à aller de l'avant. Mais sinon, aspirez à ça parce que c'est ça, la vie chrétienne victorieuse. C'est comme ça que vous allez trouver votre joie dans le Seigneur et que vous allez être heureux de lui appartenir. Mais vous savez, être un chrétien victorieux, ça ne veut pas dire être un super chrétien avec la cape dans le dos, là, puis c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non plus d'être le plus connaissant, d'être le plus impliqué, d'être le plus reconnu ou connu. C'est pas ça que ça veut dire, une vie chrétienne victorieuse. Parce qu'on peut avoir tout ça sans pour autant avoir une vie chrétienne victorieuse. Ça peut être juste une façade. Dans 1 Samuel 16, 7, il est écrit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Vous savez, le plus important, ce n'est pas ce que les gens voient de nous, c'est ce que Dieu voit en nous. Ça, c'est important. Et quand il regarde notre cœur, est-ce que Dieu peut nous déclarer heureux? Si vous regardez vous-même, est-ce que vous pouvez vous déclarer heureux, heureuse d'appartenir à Jésus-Christ? Moi, quand j'ai fait mon introspection, après la fameuse question, je peux vous dire que je ne me reconnaissais pas du tout dans l'homme heureux du psaume 1. Ça m'a fait mal. Terriblement mal, et j'en ai pleuré pendant des jours et des jours. C'est comme ça que Dieu m'a brisé. Et vous savez quoi? Quand Dieu nous brise, là, c'est pour notre bien. Et ensuite, quand on le laisse travailler, savez-vous ce qui arrive? Il nous relève. Il nous relève. Si vous avez l'impression ce matin que je suis sévère ou légaliste, soyez assurés que ce n'est pas mon but. Au contraire, je veux juste vous dire que Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Peut-être que votre vie chrétienne ne roule pas comme vous voulez, mais allez vers Dieu. Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Puis dans sa grâce et sa miséricorde, il nous tend la main puis il nous relève quand on va à lui. N'ayez pas peur de lui parler ce que vous ressentez. La parole nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos souffrances, ayant lui-même été tenté en toutes choses. Alors, parlez-lui de ce que vous avez sur votre cœur, ça va aider. De toute façon, il le sait déjà. Alors, mon message ce matin en est un d'encouragement et d'espoir. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui peut être le premier jour du restant de votre vie chrétienne à marcher avec le Seigneur, à conquérir une vie chrétienne victorieuse, à retrouver peut-être les espoirs perdus. Allez vers le Seigneur. Laissez-le vous relever. Confiez-vous à lui. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous ressentez. Trouvez en lui le bonheur qui rend vraiment heureux. D'ailleurs, le psaume 1 ne dit pas « Heureux l'homme qui cherche son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Ce n'est pas ça qui est écrit. C'est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Évidemment, pour trouver, il faut chercher. Mais il faut commencer par chercher. Et Dieu va vous laisser le trouver. En Jérémie 29, 13, le Seigneur nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Évidemment, dans le contexte de Jérémie, Dieu parle au peuple d'Israël dans un autre contexte, mais c'est ce qu'on appelle un principe transférable. Ça s'applique à nous quand même aussi. Alors, cherchons le Seigneur, cherchons sa face et il va se révéler à nous. Faisons du Seigneur notre plus grande joie. Mais pour ça, il faut d'abord faire un temps d'arrêt et évaluer quelles sont nos vraies priorités. C'est-à-dire, est-ce que je veux être un chrétien du dimanche? Ou est-ce que je veux être un chrétien qui a une vie chrétienne victorieuse? Si oui, je dois prendre les décisions qui s'imposent et les appliquer. Alors, avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible et surtout, c'est accessible à tous. C'est accessible à tous. Comment on fait pour y arriver? C'est mon prochain point. En Jacques 4:8, on peut lire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Moi, dans ma Bible, à côté de ce verset-là, j'ai écrit en vert dans la marge, là, « On est aussi près de Dieu que l'on choisit de l'être. » On est aussi près de Dieu que l'on choisit de l'être. Et plus on va être près de Dieu, plus on va être satisfait en lui. Et savez-vous quoi? Dieu, là, c'est ce qu'il veut. Alors, si vous le voulez aussi, bien, il y a 100% des chances que ça arrive. C'est encourageant, ça, n'est-ce pas? Si vous le voulez, soyez sûr que Dieu le veut, alors ça va arriver. Quand Dieu m'a montré ce qui se passait dans ma propre vie, ça m'a fait mal et je ne veux plus revivre ça. Alors j'ai décidé à ce moment-là de redéfinir quelles sont mes vraies priorités et je dois le faire de temps en temps. C'est jamais acquis pour de bon, en tout cas pas en ce qui me concerne. Je dois de temps en temps faire mon temps d'arrêt, réévaluer mes vraies priorités et me réajuster, parce que je veux m'approcher de Dieu. Je veux vivre une vie chrétienne victorieuse. Je veux trouver ma satisfaction, ma joie dans le Seigneur. Je veux qu'à chaque jour que je me lève, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, je veux être reconnaissant du Seigneur pour la journée qu'il a faite, pour sa grâce qu'il a envers moi depuis tant d'années, et depuis même avant que je sois né, parce que Dieu me connaissait. On en a des façons de remercier le Seigneur, des raisons de le faire. Trouvons notre joie dans le Seigneur. Et vous savez, les parents, on veut voir nos enfants grandir. Mais Dieu aussi veut nous voir grandir. Alors, on peut se réclamer être un enfant de Dieu, mais restons pas là. Ne nous contentons pas d'être des enfants de Dieu. Devenons des hommes et des femmes de Dieu, accomplis, prêts à toute bonne œuvre, matures dans le Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut. Il ne veut pas juste nous sauver et nous laisser là. Il veut qu'on grandisse, qu'on apprenne à le connaître, qu'on mette à profit pour lui, pour l'œuvre du ministère, les dons qu'il nous a donnés. Et ça, tous les chrétiens sont appelés à ça. On a tous eu à notre conversion un ou plusieurs dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Et ce n'est pas pour les enterrer. Mettons-les à profit pour le Seigneur, puis vous allez voir que servir le Seigneur, ça nous aide, ça nous rapproche de lui, ça nous fait. On a besoin de ça. Ça fait partie de ça. On peut vivre une vie chrétienne religieuse ou on peut la vivre de façon authentique. Et c'est dans nos priorités que ça va se déterminer. J'ai assez savouré mon échec pour ne plus vouloir que ça m'arrive. Alors, je me suis donné les moyens de base pour y arriver. Et ces moyens-là sont révolutionnaires, je vous les révèle ce matin. Lire la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué, hein? Lire la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a lire la parole de Dieu ou il y a lire la parole de Dieu. Je peux lire la parole de Dieu pour me débarrasser, pour cocher mon plan de lecture ou pour apaiser ma conscience. Ou je peux lire la parole de Dieu en m'assoyant comme au pied du Seigneur, comme s'il était là physiquement. Et là, je lis ma parole puis je la laisse me nourrir. je la laisse faire du bien à mon âme. Je laisse le Seigneur me parler. Et je parle au Seigneur. Donc, lire la parole de Dieu. Prier régulièrement. Oui, on peut venir à l'église sur le soir de semaine, dans les réunions de prière ou à d'autres moments, mais est-ce que quand je suis seul, je prie le Seigneur? Avez-vous déjà essayé de prier à genoux? Ça ne vous rend pas plus spirituel. Dieu n'entend pas plus vos prières parce que vous êtes à genoux. Moi, je le fais parce que ça me fait du bien. C'est vraiment personnel. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais trouvez votre façon de prier qui va vous faire du bien. Moi, quand je prie, quand je suis recroquevillé, j'ai l'impression d'être, quand je suis à genoux, j'ai l'impression d'être plus près du Seigneur. C'est juste une impression, là. Mais moi, ça me fait du bien. Trouvez votre façon de que votre temps de prière vous nourrisse. Cherchez la présence et la communion fraternelle des autres chrétiens. Vous savez, on peut être entre chrétiens puis parler de golf, de chasse, de pêche, de baseball, de camping, de n'importe quoi. Mais est-ce qu'on parle du Seigneur quand on est entre chrétiens? Je crois que ça devrait. Mais pas parce qu'encore là, on doit se forcer. Puis on doit... Non, non. Je pense que ça devrait couler tout seul. Si on aime le Seigneur, si on est proche du Seigneur, si on est bien, si on trouve notre joie en lui, ça va parler tout seul. Écoutez, si on ne parle pas du Seigneur entre chrétiens, avec qui on va en parler? Rendre grâce à Dieu pour toute chose. Oh, mais je ne sais pas quoi dire, merci. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous propose quelque chose. Qu'à chaque jour, à chaque matin, vous commenciez votre journée en remerciant le Seigneur de vous avoir sauvé. Ça va faire une différence. Et vous savez, tout ça ne doit pas être fait avec un esprit religieux, mais avec le désir de s'approcher de Dieu et de se réjouir en lui. Dans Actes 2, 42, il est écrit, en parlant des premiers chrétiens, ils persévéraient. Persévérer, ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'occasion. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça que les chrétiens de l'Église primitive faisaient avec persévérance. Et savez-vous quoi? Ils étaient forts. Leur priorité, c'était le Seigneur, malgré qu'ils étaient persécutés. Ce n'était pas facile d'être chrétien au premier siècle. Là. Ça n'est pas encore aujourd'hui. Hein? Bon, au Québec, on est quand même bien, mais il y a bien des endroits dans le monde où c'est horrible. Là. Mais quand le Seigneur est au premier plan, et qu'on applique les principes d'Acte 2, 42, on devient fort dans le Seigneur. On y trouve notre joie. Tout devient une priorité. C'est ça qui devient notre priorité la plus grande. Et moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Bon, je ne vous dis pas que j'y arrive tout le temps, ce n'est pas vrai. Mais j'en suis conscient, alors j'y travaille. Puis je demande au Seigneur de m'aider à atteindre cet objectif. Et parce que c'est ce qu'il veut, lui aussi, pour ma vie. Et je ne veux pas que ce soit superficiel. Alors, je remercie le Seigneur de ne pas m'avoir tout de suite enlevé mon fardeau quand je lui ai demandé. Parce que je n'aurais peut-être pas réalisé ces choses-là. Seigneur, fais tout à merveille. Merci, Seigneur, de ne pas avoir permis que je continue à tourner en rond. Vous savez, s'il arrive un événement, une personne, je ne sais pas de quelle façon le Seigneur peut travailler de mille façons différentes, mais s'il vous arrive un événement dans votre vie qui vous remet en question, demandez-vous, c'est peut-être le Seigneur qui vous parle. Réévaluez quelles sont vos vraies priorités. Tout ce que je viens de dire là s'adresse aux chrétiens, mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas chrétien ce matin, ça s'adresse à vous aussi. C'est quoi vos vraies priorités dans la vie? Vous voulez vous amasser des richesses? Travailler? Manger? Vous divertir et mourir? Est-ce que c'est ça la vie, le but de la vie pour vous? Est-ce que c'est ça votre priorité? La Bible dit que tout ça, c'est la poursuite du vent. Le Seigneur vous invite ce matin, si vous ne lui appartenez pas, à ne pas vous attacher aux choses temporelles, mais aux choses éternelles. À Jésus et à sa parole et à ce si grand salut qu'il vous a accordé. Et même si vous réussissez à atteindre votre idéal dans la vie, vous voulez de la richesse, vous en obtenez, vous voulez de la notoriété, vous l'avez. Vous voulez des gens qui vous aiment, vous avez tout ça, parfait. Mais quand vous allez mourir, il va se passer quoi? Tout ça ne vous suivra pas de l'autre côté. Quand on va passer devant l'éternité, on va devoir rencontrer notre Créateur. Et ce matin, j'aimerais vous dire que si Jésus n'est pas votre sauveur, vous allez passer l'éternité loin de lui. Quelle est votre vraie priorité? Vivre pour cette vie seulement ou vivre en fonction de l'autre aussi? Parce que ça ne veut pas dire qu'on doit négliger cette vie, mais le Seigneur est mort pour vos péchés. Acceptez-le. Si vous n'avez pas fait ce pas de foi, puis peut-être qu'il y a des gens dans la salle, vous savez, on vient à l'église, peut-être vous venez à l'église depuis des années, ou vous avez grandi dans une famille chrétienne, sachez que Dieu a des enfants, mais qu'il n'a pas de petits-enfants. On a un choix personnel à faire. Le Seigneur Jésus vous offre la vie ce matin, la vie éternelle. Mettez-le en priorité. Mettez-le en priorité. Allez à lui, dites-lui. Dites-lui tout ça. Dites-lui que vous voulez être sauvé, puis laissez-le faire le reste. Il l'a déjà fait. Acceptez-le. Donc, en conclusion, je ne veux plus trouver mon ministère difficile. Il va avoir des difficultés, évidemment. Il y en a toujours, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux plus le trouver difficile à cause de mon éloignement de Dieu. Puis je ne veux surtout pas que ma vie chrétienne tourne en rond. Je veux qu'elle soit victorieuse. Alors, j'ai rétabli mes vraies priorités et je vous invite à le faire ce matin, humblement. Je vous invite à considérer quelles sont vos vraies priorités dans la vie. Regardez votre vie chrétienne. Est-ce qu'elle vous satisfait? Je crois qu'on ne devrait jamais être satisfait de notre vie chrétienne, mais parce que je ne veux pas tomber dans l'autre extrême, il y a toujours de la place à amélioration. Et plus qu'on va s'approcher du Seigneur, plus qu'on va être heureux, plus qu'on va trouver notre joie à lui, plus que la vie va avoir une notion différente à nos yeux. C'est ce que je souhaite pour vous, réellement, que vous révisiez quelles sont vos vraies priorités. Et en terminant, j'aimerais simplement citer ce verset du psaume 34. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci de tout ce que tu as fait pour nous, à la croix, mais aussi de ce que tu continues à faire pour nous. Puis merci pour toutes les promesses des choses à venir. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tes yeux sur nous constamment. Et je te remercie de cette question qui, il y a quelques années, m'a été posée par un frère qui ne savait même pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais toi, tu me parlais à travers lui. Et puis, tu m'as sorti de là. Tu m'as enlevé finalement ce gros fardeau qui pesait sur mes épaules. Et je te remercie de ne pas me l'avoir enlevé tout de suite, d'avoir pris le temps de me faire réaliser ces choses et de m'avoir relevé. Seigneur Jésus, aide-moi à atteindre vraiment ce que nous dit le psaume 34,6, de garder mes regards tournés vers toi, afin que je puisse être joyeux et pas honteux de t'appartenir. Seigneur, aide-moi constamment à réviser quelles sont mes vraies priorités.